Thank you. vie c'est dur, j'en laisse moi tranquille. J'étais bien au Bahamas, je ne dois pas revenir. Les pieds dans la même masse, un contrôleur passe. Et sans dire bonjour, on fait face. Moi je prends avec une ticket à moitié. Non merci, j'en ai déjà un. Peut-être un autre jour, la réalité me colle à la peau comme une putain d'énigme. D'Edgar Allan Poe, je veux un son qui détend. Dans ton sommet, tu ne peux pas trop me soumettre. Moi je suis jamais dans ton sommet. chat que personne. Je ferai des trucs, puis des gros plats. Je suis un lion, pas un chat. Si tu me vois, moi je te gagne. Je suis qu'un homme, mais moi, on s'en fout les mots. Et on y est qui descend dans sa vie sans un mari. Et puis je veux pas aussi c'est que t'as pris le lit. J'étais gentil, pas là pour fight ni pour débusquer les bandits. Au rythme, je t'envie à toi dégoûter les anglais. Mais faut pas que tu fight, moi je fais que découper des nantis. Appelle ma base, tu connais le blaze. Le hobby t'es là, tu n'as pas de côté pour le phraser. Dis qu'il est naze si tu le trouves de case. Mais esquive-moi à l'extase, y'a pas de craser. T'as pas un bout de feu, y'a pas qu'être clope, ça va la faire. Vas-y, trouve-moi un petit crayon dont tu sais plus quoi faire. Branche le mic, trouve un beat qui déchire. Personne passage et pas âgé, car âgé, c'est pas la peine, c'est déjà saccagé. Passer partager avec vous des morceaux magiques ou des gros bédos d'amnésique, c'est ça qui me fait marcher.